le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ah, ça ira. Pendant longtemps, nous avons cherché les causes de la Révolution française, qui n'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, qui n'est pas simplement une rupture chronologique facile. C'est un événement majeur de notre histoire dont nous mesurons sans cesse l'intensité. Et puis nous avons abandonné les causes, car en histoire il n'est pas question de causalité, des causes qui produiraient des effets. Tout cela n'est pas opérant pour l'étude du passé. Alors nous avons parlé des origines de la Révolution française. Et nous avons mis dans notre besace un mécontentement paysan, des droits féodaux, une guerre d'indépendance américaine et les lumières furent. Diderot, d'Alembert, Voltaire, Rousseau et toute la compagnie ont débarqué avec leurs livres, dont les magnifiques volumes de l'encyclopédie. Mais là encore, nous étions un peu dans l'obscurité. Quelle place ont les philosophes des Lumières dans le mouvement révolutionnaire? Est-ce que penser le monde peut conduire à la révolution? Formidable! Les historiens et les historiennes sont là pour nous apporter leur lumière. Ah, ça ira! Cette semaine, le cours de l'histoire se plonge dans la Révolution. Il faut rappeler comment cet événement a bouleversé la manière d'appréhender le monde et comment la notion de révolution parle à notre monde par le mécontentement populaire et par les révolutions partout dans le monde. On a parlé des printemps arabes, mais avec toujours cette question, au moment de la Révolution, quelles sont les origines d'une révolution? Nous allons décliner tout cela cette semaine, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en podcast. Il y a aussi le groupe Facebook, un tout nouveau groupe Facebook, le groupe Le Cours de l'Histoire. Mais aujourd'hui, la question tourne autour des Lumières, les philosophes des Lumières, ceux que nous connaissons bien, ceux qui ont été véhiculés en billets de banque, Montesquieu, en timbre, partout. Les lit-on encore? Et puis, au moment de la Révolution, quelles ont été leurs influences, les influences diverses par leurs écrits, par leurs actions? Nous allons en parler avec vous, Sophie Vaniche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la Révolution française, dont vous êtes une spécialiste, notamment La Révolution française, un événement de la raison sensible, 1787. C'est intéressant. 1789. Vous êtes l'auteur de L'intelligence politique de la Révolution française chez Textuel avec une nouvelle édition. En 2019. Voilà. Et puis, nous allons également évoquer la Révolution, plus particulièrement les mémoires de la Révolution française. J'insiste sur le S dans le titre de votre livre. Anne de Matan, bonjour. Bonjour. Mémoires de la Révolution française, enjeux épistémologiques, jalons historiographiques et exemples inédits. J'aime bien cette notion d'exemple inédit. Ce sont de presse universitaire de Rennes. En fin d'émission, nous rejoindra Anaïs qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs et son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons retrouver le vénérable Voltaire avec un extrait de l'article Patrie. Patrie, issu de son dictionnaire philosophique paru en 1764. Un extrait du dictionnaire de Voltaire qui nous est lu par Michel Bouquet. Patrie. Lequel vaut le mieux? Que votre patrie soit un état monarchique ou un état républicain? Il y a 4000 ans que l'on agite cette question. Demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l'aristocratie. Interrogez le peuple, il veut la démocratie. Il n'y a que les rois qui préfèrent la royauté. Comment est-il donc possible que presque toute la terre soit gouvernée par des monarques? Demandez-le aux rats qui proposèrent de pendre une sonnette au cou du chat. Mais en vérité, la véritable raison est, comme on l'a dit, que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes. Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l'ennemi du reste des hommes. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique en 1764, Sophie Vaniche, sur cette période qui nous intéresse, le 18e siècle, celui des philosophes des Lumières, ce qui est étonnant quand on se plonge dans ce monde-là, c'est la vivacité intellectuelle. Ça fourmille de partout et aujourd'hui encore, ils ne sont pas tous lus. Ils sont connus, mais pas tous lus. Mais quand on retombe sur ces textes-là, et on vient d'écouter Voltaire lu par Michel Bouquet, on se dit, c'est intéressant, il y a une vraie réflexion qui va loin. Ils nous plaisent, ces gens-là. Certains. Surtout, ils ont le désir intense de faire usage de leur raison sans la contrainte religieuse et le dogme. Et on est, nous, dans une période où peut-être qu'une certaine lassitude s'est installée et une certaine scolastique aussi à nouveau. Et donc les Lumières, la période qui porte ce nom, en fait, c'est finalement cet enthousiasme pour l'usage de la raison, qui est considéré comme une passion calme, mais qui est une passion. Et donc, si ça nous paraît aussi vif, c'est justement parce que, comme le disent les Écossais, la raison est une passion calme. C'est très joli ça, parce que la notion de passion au cœur de l'histoire permet de comprendre les mouvements intellectuels. Le mouvement intellectuel n'est pas seulement de l'écrit sur du papier, mais c'est également une vision du monde portée par des hommes et des femmes. Et ces hommes et ces femmes sont complètement dans leur siècle, qu'ils veulent changer. Ils veulent changer leur univers au XVIIIe siècle. Alors là, on est déjà dans l'ordre de l'interprétation, hein, donc ça dépend qui on écoute. Si on se replonge, par exemple, dans le texte très fameux, quand même, sur le plan épistémologique, Montesquieu, la politique et l'histoire de Louis Althusser, ce qu'il nous dit, c'est que Montesquieu ne cherche pas du tout à changer le monde, qu'il est absolument le garant de sa classe aristocratique et que finalement il est dans une lutte contre l'absolutisme, mais pour défendre l'aristocratie, comme vient d'expliquer Voltaire sur le fait que les riches veulent l'aristocratie et que ceux qui veulent la monarchie sont les seuls monarques. Mais ce qu'il décrit, c'est que défendant la féodalité, en fait, il participe à finalement la lutte conjointe contre la monarchie absolue, et qu'il participe d'une situation qui, au bout du compte, va conduire à changer le monde, mais que c'était certainement pas son intention. C'est le point de vue de Louis Althusser, il le déploie de différentes manières, et d'autres ont considéré le même Montesquieu comme la figure la plus moderne qui puisse exister des constitutionnalistes, ou en tout cas des penseurs des régimes politiques. Donc, du coup, ce qu'on peut saisir, c'est qu'il y a toujours une part d'inventivité dans l'usage même qu'on fait de la raison, mais que c'est les configurations historiques qui produisent les bascules et pas les idées toutes seules. Ce ne sont pas les idées toutes seules, et dans le cas des philosophes du XVIIIe siècle, au-delà des idées, il y a de manière concrète des ouvrages, des livres qui ont une forme particulière. Je pense à l'encyclopédie, on a évoqué le dictionnaire de Voltaire avec un principe de définition. Et cette définition du monde que proposent les philosophes a un véritable effet parce qu'il y a une nouvelle définition de ce qu'est l'individu, par exemple. L'individu est mis en avant, il est défini différemment au XVIIIe siècle. Sophie Vaniche. C'est pas certain qu'il soit défini d'une manière différente, mais par contre, ce qui est saisi, c'est la possibilité d'exprimer ce qu'on pourrait appeler, avec Seyès et les travaux de Jacques Guillaumeau, par exemple, le moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que cette présence du moi. Il est encore enserré dans toutes sortes de cadres, et donc on est très très loin quand même de la conception de l'individu d'aujourd'hui. Mais on est dans la possibilité d'affirmer que quelque chose de personnel produit l'espace commun. Et du coup, la question de la sensibilité de chacun, ce qui ne veut pas dire qu'elle est proprement individuelle, mais qu'on a des compétences sensibles qui peuvent produire le rapport au monde commun. D'ailleurs, si on n'a pas de compétences sensibles, il n'y a plus de commun qui peut s'instaurer. Et donc ces compétences sensibles sont certes celles du corps individuel, mais en tant que ce corps individuel va résonner au sens-là de la résonance, comme la vibration, en accord avec un groupe. Et ce qui est neuf, à mon sens, c'est qu'on tient compte de la grande compétence cognitive, on dirait aujourd'hui, de ce rapport sensible au monde. Et ça, c'est lié à la période des philosophes sensualistes comme Condillac, Mably, etc. D'ailleurs, vous utilisez un mot, sensualisme. Il y a le sensible qui est au cœur de cette réflexion, Sophie Vaniche. Il y a quelque chose de sensible dans la philosophie des Lumières, dans le rapport qu'il y a au monde, à la chose publique, comme vous l'avez dit, à l'espace commun. Alors, l'espace commun, en tant que on considère, et ça c'est quelque chose qui est quand même spécifique au côté qu'on pourrait appeler progressiste, même si le mot est dévalué, de la philosophie, parce qu'il y a quand même un courant en faveur du sensible et un courant en défaveur. Il y a encore une ontologie de l'insensibilité. Et cette ontologie de l'insensibilité, c'est celle par exemple du lobby colonial qui affirme qu'il s'agit surtout de ne rien ressentir à l'égard des Noirs, et pour en être certain, peut-être même d'imaginer des choses terribles comme croiser des singes et des hommes, comme ça on sera sûr que ce sont des animaux et qu'on n'aura plus besoin d'être sensible. À l'opposé, quelqu'un comme Olympe de Gouges ou le chevalier Jaucourt dans l'encyclopédie affirme que les planteurs n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes quand les esclaves marronnent, car ils ont fait usage de la chair humaine comme marchandise et que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc là, la question du sensible, c'est aussi l'articulation entre la possibilité d'entrer en contact avec autrui, donc c'est la question de la compassion, et c'est la question de la morale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est supportable, insupportable, voire violenter des êtres humains, c'est insupportable, donc quand on voit fouetter un esclave, c'est insupportable, mais il y a aussi ce qui est intolérable, et ce qui est intolérable, c'est de ne pas reconnaître l'humanité une, et donc il y a quelque chose qui se joue d'une commune humanité à instaurer. Et peut-être qu'il y a là quelque chose de vraiment neuf. Et c'est un bon exemple de partir sur l'esclavage. Les esclaves qui marronnent, j'adore ce mot-là, qui s'enfuient. C'est un mot magnifique parce que c'est effectivement lié au rapport à l'autre. Dans cette redéfinition, et je joue sur ce mot de définition pour faire un écho au dictionnaire que publient les philosophes ou à l'encyclopédie, dans cette redéfinition, c'est vrai que les philosophes regardent leur monde. Est-ce que l'on pourrait dire, Sophie Vaniche, qu'ils redéfinissent l'espace commun ou qu'ils redéfinissent même ce qu'est l'État? Ils font pas tous la même chose. Ils s'intéressent pas tous à la même chose, quand même, les philosophes. Donc c'est très très générique ce que vous nous dites. Alors, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a des questions qui se posent d'une manière forte au XVIIIe siècle, et ça se pose à la fois dans ce qu'on appelle nous la philosophie, mais aussi dans la littérature. Et donc la question de la meilleure forme de gouvernement, elle n'est pas simplement la meilleure forme de gouvernement, donc une redéfinition de l'État comme vous proposiez, mais qu'est-ce qui va produire le mode de vie qui apporte le plus de bonheur ? Parce que la question, elle est quand même toujours liée à une théologie qui annonçait que le bonheur serait dans l'au-delà, et que ce qui vraiment peut-être fait point commun entre tous, c'est le fait de vouloir ramener la question du bonheur dans l'ici-bas. Et à partir du moment où la question du bonheur est dans l'ici-bas, il s'agit à la fois de penser ce qui fait ce que font les États pour conditionner, rendre possible les conditions du bonheur. Et ensuite, quelqu'un comme Saint-Just dira, mais on ne peut pas attendre des gouvernements qu'ils vous rendent heureux, on peut juste attendre d'eux qu'ils produisent des conditions du bonheur, et chacun doit chercher sa félicité. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'articule entre cet espace commun à construire pour une vie juste, bonne et heureuse, mais qu'ensuite il y a le trajet et l'incertitude de la vie. Et les deux choses sont pensées ensemble au XVIIIe siècle. Et justement, vous évoquez Saint-Just, Sophie Vaniche. Saint-Just, donc personnage de la Révolution française, on ne va pas dire que c'est un personnage directement des Lumières, personnage de la Révolution française, Saint-Just que l'on retrouve dans le film Week-end de Jean-Luc Godard, Saint-Just en 1967, qui est Jean-Pierre Léo. Est-il possible qu'on conçoive l'inconséquence humaine ? Hélas ! Croirait-on que l'homme se soit mis en société pour être heureux et raisonnable? Non! On croirait plutôt que l'un du repos et de la sagesse de la nature. Il voulait être misérable et insensé. Je ne vois que des constitutions pétri d'or, d'orgueil et de sang. Et je ne vois nulle part la douce humanité, l'équitable modération qui devait être la base du traité social. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous interrogeons pour savoir si les philosophes des Lumières sont à l'origine de la Révolution, tout en sachant qu'ils ne sont pas les seuls. Mais comment cette pensée a pu avoir pour conséquence un mouvement révolutionnaire ou pas? Et justement, nous venons d'entendre une vision très particulière, voire exaltée, offerte par Jean-Luc Godard d'un Saint-Just incarné par Jean-Pierre Léo. Ce Saint-Just-là est un Saint-Just de cinéma dans les années 1967, donc tout est à recontextualiser. Mais il y a quand même, encore une fois, cette évocation de la société et du bonheur, le bonheur au cœur de la philosophie des Lumières. Sophie Vanisch, vous pensez que, dans l'analyse que vous avez pu faire de ce mouvement des Lumières, le bonheur peut être le fil directeur qui permet de comprendre la pensée des philosophes qui ne pensent pas tous sur les mêmes objets, que ce soit l'État, que ce soit l'individu, mais que ce fil directeur puisse être le bonheur? Alors je pense que si on garde ce fil directeur aujourd'hui, on risque d'avoir de la confusion. Donc il faut au moins ajouter justice avec. Parce que la question du bonheur au XVIIIe siècle, elle est nécessairement articulée à une justice ici-bas. D'où la question des gouvernements. Et si on ne met pas ensemble vie, bonheur et justice, il manque une partie. Et donc la vie, pourquoi? Parce que la vie, elle est pas si, elle est fragile au XVIIIe siècle. Là, c'est tout ce qu'a décrit Arlette Farge. Et donc cette vie fragile, il faut la protéger en ayant une pensée du droit à l'existence, une pensée des subsistances, par exemple. Donc il me semble que si on met juste la question du bonheur, on manque une partie de ce qui se passe. Voilà. Et le bonheur qui est essentiel pour les philosophes, mais pas seulement, donc on met la justice également là-dedans, est pensé par les philosophes. Mais la philosophie des Lumières n'est pas simplement un jeu d'idées, c'est-à-dire qu'il y a un regard concret sur le monde du XVIIIe siècle, où les philosophes, alors là encore, ça va dépendre des différents auteurs, mais il y a une volonté de changer concrètement, de faire avancer les choses. C'est toujours dans cette quête de savoir, alors c'est de la téléologie, nous savons qu'il va y avoir la révolution française à la fin du XVIIIe siècle et nous en cherchons un peu les causes. Mais est-ce que cette pensée des philosophes vise à changer les choses ou est-ce que le maintien des structures telles qu'elles sont avec une monarchie peut leur convenir? Sophie Vanisch. Écoutez, je pense que c'est une question qui est un peu, pas une question d'historien, on ne pourra jamais savoir. Mais ce qui paraît important, c'est qu'ils sont... Ils sont dans une logique où peu parlent vraiment de révolution avant la révolution. Ils parlent de réformes nécessaires, de transformation de l'État, de manière d'envisager un nouveau contrat social ou au contraire de penser que chaque mode de gouvernement suppose certaines vertus et qu'une fois qu'on les a présentées, on va pouvoir s'arranger avec n'importe quel mode de gouvernement. Donc il y a vraiment plus une pensée de la transformation qui peut se faire par des réformes qu'une pensée de la révolution. Le groupe social absent de la pensée quand même de la plupart des philosophes malgré tout, c'est quand même le groupe social du peuple. Il y a peu de philosophes qui pensent vraiment le rapport au peuple et qui essayent de définir ce peuple d'une manière positive. Alors ils sont de plus en plus nombreux quand même au XVIIIe siècle. Mais par exemple quelqu'un comme Montesquieu pense la bourgeoisie mais il ne pense pas le peuple. Donc il y a quelque chose à analyser dans ces écarts. Et ces écarts déterminent des rapports de conflictualité au sein du mouvement des idées et du mouvement aussi de présence de ces idées à la cour. Puisque quand même la question se pose de savoir à qui l'on parle. Et l'encyclopédie dont on vient de parler, elle s'adresse à la fois à la cour et à l'aristocratie bourgeoise. Mais pour parler à l'ensemble de la population, il faut d'autres outils. Et les autres outils, ça peut être une encyclopédie éditée par exemple par le grand éditeur Pankouk, qui sera également celui qui édite le Moniteur universel pendant la Révolution et qui a une pensée du populaire et de la lecture à haute voix et de la possibilité de faire circuler un certain nombre de choses du côté de ceux auxquels les philosophes ne pensent pas toujours. Il se trouve que dans cette édition Pankouk, les articles sont moins inventif, en fait, plus conservateur dans la vision du monde, moins fouillé. Mais en même temps, il s'adresse à des gens qui sont devenus des lecteurs, soit parce qu'ils savent désormais plus lire, et c'est un point très important de la séquence, soit parce qu'ils écoutent les autres lire pour eux, et que cette transformation de la diffusion des idées, ben, pour le coup, c'est ce que Roger Chartier appelait les origines culturelles de la Révolution française. Et il me semble qu'il y a là quelque chose à saisir d'important. La philosophie, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les différentes manières de la mettre à disposition et de la faire entrer en conflit avec elle-même à travers les différents auteurs et les différents usages des auteurs. Si on prend un exemple aussi important que la question de l'enthousiasme, hein, puisque c'est une émotion absolument nécessaire pour faire la révolution. Il faut être ardent, donc enthousiaste. Bien, la philosophie de l'enthousiasme, c'est une philosophie qui clive énormément les philosophes anglais, français. La plupart des philosophes considèrent que l'enthousiasme, c'est comme le fanatisme, donc c'est très dangereux, qu'il faudrait pouvoir en faire l'économie et faire surtout en sorte qu'il ne surgisse pas. Et puis un certain nombre de philosophes, au contraire, considèrent que l'enthousiasme est ce qui permet de produire les grandes choses dans l'humanité et qu'il faut donc à la fois le favoriser et le régler, lui donner une régulation et avoir donc des bons magistrats. Et du coup, cette question de l'émotion ardente suppose une pensée aussi de la bonne magistrature, c'est-à-dire comment on manie les émotions dans le social en n'en ayant pas peur au sens où on leur fait confiance pour qu'elles élaborent une dynamique, hein, et en même temps on sait qu'elles peuvent basculer effectivement dans le fanatisme, et donc il va falloir introduire un certain nombre de choses comme l'humour par exemple, qui n'est pas la qualité première des Français, mais qui est introduite quand même par la lecture de Shaftesbury. Oui, et puis c'est vrai que quand on lit les philosophes, on trouve de l'humour. Il n'est qu'à citer Voltaire, où il y a énormément d'humour chez Voltaire. Il y a plus d'ironie que d'humour. Voilà. Les Français sont dans l'ironie, les Anglais sont dans l'humour. Dans le mot d'esprit. Oui, et ce mot d'esprit, nous, on l'aime beaucoup, et c'est vrai que Ridicule, le film Ridicule, jouait beaucoup là-dessus, sur ce contraste qu'il y avait entre l'humour anglais et l'esprit français. Mais cet enthousiasme, ce dynamisme que vous évoquez, Sophie Vaniche, nous conduit à la Révolution française, dans le sens où, sans cesse, pour expliquer les origines de la Révolution française, les Lumières sont convoquées. Écoutez ce qu'en disait François Furet, nous étions dans l'émission Agora en janvier 1979 sur France Culture. La Révolution française, loin d'être une rupture dans notre temps national, est un événement qui couronne l'Ancien Régime. Loin de couper notre histoire en deux, comme l'ont cru les Français du 19e et du 20e siècle, la Révolution française est au fond un rêve de Louis XIV réalisé. Robespierre et Napoléon reconstruisent, perfectionnent, font s'épanouir le système que les rois de France avaient voulu construire et avaient en grande partie construit sur l'ancienne société. Alors c'est ça mon problème. Comment peut-on penser la Révolution française comme une continuité et en même temps comme une rupture ? C'est la question majeure que posait François Furet en 1979 sur les Lumières comme continuité à la Révolution française. Enfin, on est dans la Révolution, on est en rupture, avec un peu de provocation quand il dit que c'est un rêve Louis XIVien. Nous étions en 1979. Sophie Vaniche, dans cette réflexion sur ce que sont les Lumières, quel regard porte l'historienne d'aujourd'hui sur ces remarques de François Furet ? C'est de l'histoire maintenant, François Furet. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est en 79 et qu'il récupère un certain nombre d'idées sur justement la continuité de l'État, sur la possibilité de ne repérer que ce qui va avoir des origines sociales en amont de la Révolution. Et donc, dans une certaine mesure, il reconduit l'opposé de ce que je disais à propos d'Althusser au démarrage. Althusser aussi, c'est de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est justement dans cette configuration que quelque chose se joue. Et ce qui se joue, c'est à nouveau la question de l'élise du peuple. C'est-à-dire que s'il y a une rupture, on est obligé de faire intervenir les émotions populaires. On est obligé de se demander comment on passe de la révolte, c'est-à-dire à quelque chose qui refuse les règles du jeu, à la révolution, avec l'énoncé bien connu, sire, la Bastille était prise, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Qu'est-ce qui déplace la révolte et la révolution ? Enfin, qu'est-ce qui permet de passer de l'idée de révolte à l'idée de révolution ? Et je dirais que si on a juste un maintien de l'État tel que c'est décrit par François Furet à ce moment-là, alors on serait dans la révolte permanente. Et il transforme même à un moment donné cette idée de révolte en sorte de dérapage. Mais comme ce n'est pas simplement une révolte, mais que c'est bien une révolution, alors la question populaire reste la grande question de la rupture révolutionnaire. C'est-à-dire que l'émergence de ce groupe social est une émergence qui ne va pas pouvoir être refoulée. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne peut pas être complètement refoulée. Elle peut être cadenassée, c'est-à-dire qu'on peut essayer de mettre 3 cadenas et 15 placards, mais ça pousse 99%. Donc il y a quelque chose qui, dans ce qui est dit là, manque la structure sociale d'un pays vaste comme la France au XVIIIe siècle, et finalement récupère une idée qui était vraiment très à la mode à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait finalement pas besoin de véritable rupture pour que les États se transforment. Pourquoi ? Parce qu'on était dans la logique foucauldienne à l'époque. Hein, Michel Foucault. De Michel Foucault. C'est-à-dire que les sociétés ont des structures qui se déplacent très lentement, et les ruptures épistémiques n'ont pas vraiment besoin d'événements, elles sont antérieures à la lisibilité des choses. Et donc il y a quelque chose qui se joue dans la stabilité au lieu de se jouer dans le mouvement à observer. Et donc c'est une opposition entre finalement la pensée d'un Jean-Paul Sartre qui analyse des situations en tant qu'elles sont des points de bascule, et une pensée qui est une pensée des structures, qui analyse l'histoire en tant qu'elle est structurellement beaucoup plus profonde que ce qui est visible, et que ce qui est visible, ce sont les petites vaguelettes, et qu'il ne faut pas se laisser prendre aux petites vaguelettes. Mais le peuple n'est pas une petite vaguelette, donc on peut réconcilier à la fois la vaguelette et la structure, et tenir compte du fait que cette structure, eh bien, elle est effectivement à prendre en compte, et que toute la rébellion du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, analysé par Jean-Nicolas ou par Porchnev en Russie, bah c'est une rébellion qui, à un moment donné, se transforme justement parce qu'il y a des acteurs politiques qui construisent un rapport de force qui permet, à un moment donné, de faire entendre une autre voix, et que l'émeute n'est plus une révolte parce qu'elle est portée à l'Assemblée et qu'elle devient la possibilité d'une demande de loi. Ça ne se passe pas facilement, mais quand même, il y a quelque chose qui advient, où la demande de loi émanant du peuple, populaire, avec ce qui est nécessaire au peuple pour être heureux, est entendue. Et toujours dans cette réflexion sur d'où vient la révolution, ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture, j'entends bien, Sophie Vanisch, que vous dites sur cette place du peuple essentielle, sur cette place de l'acteur politique qui va porter des idées de manière concrète jusqu'à l'Assemblée, avec cette idée de révolution qui vit encore aujourd'hui, nous le voyons bien et nous avons écouté François Furet, mais nous savons que la révolution est présente partout, même dans la culture populaire, et la culture populaire ce n'est pas de l'histoire, mais ça fait également partie de la représentation. C'est ce que nous allons continuer à évoquer juste après avoir écouté une autre forme de révolution, celle-là elle est par Tracy Chapman, Talk About Revolution. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parlons de révolution avec Tracy Chapman, avec Sophie Vanish, avec Anne de Matan. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Jost. Aujourd'hui, à la technique, Jacques Hubert. Anne de Matan, nous allons poursuivre justement tout ce qui a été mis en place dans notre discussion avec Sophie Vanish sur ces mémoires. C'est le titre de l'ouvrage que vous dirigez aux Presses universitaires de Rennes, Mémoire de la Révolution française. Anne de Matan, peut-on dire que la mémoire de la Révolution française naît déjà au moment de la Révolution française? Tout de suite, là, on est dans une relecture de l'événement. C'est un temps très long, en fait. C'est depuis le début qu'il y a des lectures différentes de la Révolution. Bien sûr, absolument. Dès le début de la Révolution, il y a, comme vous dites, des lectures différentes de ce qui se produit. La Révolution française, en 1789, peut être considérée comme l'ouverture d'un marché politique où sont produits des discours qui visent à asseoir la légitimité des prétentions à énoncer la volonté du peuple. Et ces discours, qui sont des discours politiques et non pas des discours historiques, peuvent être repris tels quels, endossés par un certain nombre de gens qui d'emblée ont un rapport avec cet événement qui est d'emblée un rapport de mémoire qui peut être proche mais qui est de cet ordre-là et qui est d'un ordre beaucoup plus affectif que peut-être que rationnel ou historique. C'est la raison pour laquelle on voit d'emblée des rapports extrêmement différents comme par exemple, on peut citer l'extrêmement célèbre ouvrage d'Edmund Burke, Reflection on Revolution, la Révolution de France. Voilà, c'est ça, c'est Burke. Non, mais c'est vrai 1790. Dès 1790, la relecture que Burke fait de la Révolution est complètement une rupture, c'est-à-dire que dans ce mouvement un peu idéalisé que l'on nous a présenté, bien sûr, il y a déjà des ruptures et Anne de Matan, il faut le dire, la Révolution se construit elle-même sur une mémoire, sur ce qu'on appelle l'Ancien Régime. Le mot est l'Ancien Régime. Donc la mémoire de ce qui est construit avant, la mémoire notamment des philosophes des Lumières, c'est le socle des révolutionnaires. Oui, oui. Là, c'est ça. Dès le 4 août 1789, il y a une élaboration mémorielle spectaculaire qui est l'invention de l'Ancien Régime. C'est-à-dire quelque chose qui existait mais qui n'avait pas de nom et qui acquiert son nom le jour, au moment où il perd son existence, où il est détruit. Et puis, l'autre chose qu'on peut ajouter, c'est que, bien sûr, la Révolution française s'invente une mémoire, elle s'invente des origines, notamment en panthéonisant certains de ces grands hommes, à savoir Voltaire et Rousseau, bien évidemment. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que Voltaire et Rousseau auraient cautionné le sort qui leur est réservé pendant la Révolution française. Mais il y a une recherche en paternité des origines. Recherche en paternité des origines avec une mémoire extrêmement plastique, et une mémoire plastique qui, en fait, dure de la Révolution, bien sûr, jusqu'à nos jours. Nous le savons, elle est sans cesse là, la Révolution. Évidemment, un moment fort de cette mémoire, c'est le bicentenaire de 1789. Donc nous sommes en 1989 et au moment du bicentenaire, plein de mémoires ont été évoquées. Petit micro-trottoir, sondage anniversaire du bicentenaire, c'était sur la première chaîne de télévision française en janvier 1989. Symbolique, mais encore très mystérieux, le drapeau tricolore reste une énigme pour une majorité écrasante de Français. En fait, 7% seulement des personnes interrogées connaissent l'origine du cocktail républicain, le blanc, emblème de la royauté, et le bleu et rouge aux couleurs de Paris. Vous direz, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Tu le sais, ça, Déborah ? Moi, je m'intéresse pas du tout. Ah bon ? Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui dit que c'est le roi prisonnier dans Paris, par exemple, le blanc entre le bleu et le rouge. Ça doit être l'association entre la royauté, la liberté, et puis quelque chose comme ça. Au top 50 révolutionnaires, Robespierre largement en tête, 48% des sondés lui attribuent le premier rôle, suivent dans l'ordre, mais à bonne distance, Danton et sa perruque, Marat dans sa baignoire, Louis XVI en serrurier et Saint-Just à la tribune. Enfin, légère surprise chronologique, Henri IV et De Gaulle. Ah, Henri IV et De Gaulle sous la Révolution, oups, c'est une petite boulette. Sans doute, c'était une question qui n'était pas bien posée, Anne de Matan. Je voulais vous demander, dans ces mémoires de la Révolution française, nous l'avons évoqué avec Sophie Vaniche, il y a une utilisation politique de la mémoire de la Révolution française, mais avec ce qu'on vient d'entendre pour le bicentenaire de 1989, il n'y a pas que ça en fait. La mémoire de la Révolution française est aussi une identité que les Français s'approprient. Et ça joue beaucoup, c'est en cela qu'elle se diffuse partout, pas seulement dans les ouvrages des historiens, mais également dans la culture populaire, dans les comédies musicales, dans la variété. Oui, absolument. Elle est au fondement, effectivement, des identités, cette mémoire. Disons que elle fait partie de ces élaborations identitaires d'ordre affectif par lesquelles on se situe par rapport à un passé conflictuel et pas toujours parfaitement connu. On se situe dans l'ordre de l'émotion, de l'affection, parfois plus que de la raison. Et vous évoquez le passé conflictuel et on est au cœur de la question parce que comment transforme-t-on un passé conflictuel en un élément d'unité nationale? Et c'est aussi ça l'histoire des mémoires de la Révolution française, c'est qu'elles ont longtemps été utilisées pour faire du conflit et qu'aujourd'hui, quand on regarde le champ politique, il y a presque unanimité pour dire il y a quelque chose qui se passe sous la Révolution. Ces choses-là, nous les revendiquons. Dans votre construction d'ouvrage Mémoire de la Révolution française, c'était un peu ça, c'était de partir, en fait, vers tous les aspects possibles de cette évolution de mémoire, et j'insiste bien avec le S à mémoire. Oui, alors, c'est la mémoire... Mémoire de la Révolution française au singulier, ça n'a pas de sens. C'est une aberration, il faut en parler au pluriel si l'on veut rendre compte de la diversité, d'abord des milieux qui les portent, des contenus dont il s'agit, des usages dont elle peut faire l'objet, usages conscients ou inconscients, et des contextes dans lesquels elle peut réadvenir, elle peut être réactualisée. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu une construction assez kaléidoscopique de cet ouvrage, pour rendre compte de cette extrême diversité. Mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup aimé quand vous dites, c'est dans l'introduction, il y a le mot kaléidoscopique, et il y a vraiment quelque chose de cette construction-là, en fait. Le problème du kaléidoscope, c'est que parfois, l'image première est difficile à atteindre. Et dans la recherche de ce qu'est la Révolution française, et même de ses origines, ces différentes images perturbent, mais... C'est un fait historique, donc ce n'est pas une critique. Ces images doivent être prises en compte pour essayer de comprendre ce qu'était la Révolution française. C'est-à-dire que de toute façon, l'événement Révolution française est quand même d'une grande complexité. Il serait quand même extrêmement simpliste d'en conserver une mémoire univoque. C'est vrai que cette mémoire n'est pas du tout univoque parce qu'elle fait écho sans cesse au présent. Au présent d'aujourd'hui, hein, on parle des printemps arabes, on parle du mouvement des gilets jaunes, il y a ce jeu autour de la notion de révolte, de révolution, mais ça, nous allons le trouver à travers les siècles qui suivent la Révolution française, et c'est le cas en 1968 avec Jean-Paul Sartre qui parle des événements de 1968 avec une lecture qui peut se comprendre comme celle d'une révolution. La violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime. Aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer et par conséquent, ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'ils puissent avoir avec cette université, c'est de la casser. Jean-Paul Sartre, en 1968, qui parle des événements de 1968, dans Mémoire de la Révolution française que vous dirigez, Anne de Matan, vous avez, vous, Sophie Vaniche, écrit autour de Sartre et de la Révolution française. Et là, nous avons un élément qui est intéressant dès qu'on approche cet objet historique qu'est la Révolution, c'est la violence qui ressurgit sans cesse. Quel regard portez-vous sur l'analyse que Jean-Paul Sartre a pu faire de la Révolution française? Vous avez intitulé votre article « En finir avec Sartre, en finir avec la Révolution française ?» Point d'interrogation. En fait, ce qui intéresse Sartre, quand il travaille entre 1945 et 1960 sur la Révolution française, parce que c'est quand même l'objet historique qui le fascine et qui occupe toutes ses attentions quand il prépare la critique de la raison dialectique, c'est de comprendre comment justement il y a un point de bascule pour une émancipation possible et comment à un moment donné un groupe social structuré comme peut l'être le groupe social qui décrit des pères, des étudiants en grève ou des étudiants en lutte, structuré par des institutions, comment à un moment donné ces institutions sont dévitalisées au sens où plus personne ne se sent impliqué dans son moi, pour le coup émotionnel, et que donc on répète des gestes sur un mode qu'il appelle inerte, pratico-inerte. Et donc quand on répète des gestes sur un mode inerte, c'est épuisant. Et donc c'est ça qu'il décrit là dans l'extrait qu'on a entendu. Donc c'est une société qui est devenue inerte et il faut donc qu'elle soit revitalisée par le désir d'une transformation sans concession et qui oblige à dissoudre la situation. Et donc c'est ce qu'il appelle le groupe en fusion. Et à partir de ce groupe en fusion, on va fabriquer des nouveaux serments, c'est-à-dire de nouvelles institutions, jusqu'à qu'elles-mêmes s'épuisent. Et elles peuvent être ces nouvelles institutions, soit plus propices au bonheur et à la justice, soit moins propices au bonheur et à la justice. Et donc il y a quelque chose chez Sartre qui est extrêmement intéressant, c'est que le point de bascule ne présage pas de la forme du serment, de la forme des institutions qui vont venir. Et donc il y a à la fois cette poussée de sortir de l'inertie et en même temps l'incertitude chronique de l'histoire humaine qui fait que c'est pas parce qu'on est sorti de l'inertie qu'on va se doter d'institutions plus dynamisantes, plus ardentes, plus enthousiasmantes. Et donc il y a quelque chose vraiment à essayer de tenter. Il y a des gestes à tenter et ces gestes à tenter sont des gestes toujours risqués. Et il me semble que ce qui est extrêmement intéressant chez Sartre, c'est que du coup il décrit des individus qui peuvent vouloir le maintien de l'ancien régime, mais avec plus de réformes, comme par exemple Mounier, et qui se retrouvent être du coup des gens sans concession aux États généraux, qui vont réclamer que les États généraux soient vraiment des trois ordres réunis ensemble et pas par ordre, et donc réclament finalement la fin de l'ancien régime, et qui vont être parmi les premiers, enfin, il émigre en décembre, donc à partir, parce qu'il découvre ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est que chez Sartre, il y a l'idée que ce qu'on a vécu dans l'Ancien Régime, ou ce qu'on a vécu avant un événement historique, agit sur vous, sur un mode conscient et inconscient, qui vous rend sans concession sur certaines choses, qui peuvent aller dans le sens opposé de ce que vous souhaitez. Et donc il y a quelque chose d'une alchimie de l'événement qui a été perdue à partir du moment où on s'est intéressé uniquement aux structures. Il se trouve que le marxisme bien compris fait une espèce de tranchée entre les structures, la conjoncture et l'événement. Et je crois que il y a un retour du marxisme à la fois bien sûr dans les universités anglo-saxonnes, américaines et britanniques et australiennes, etc. Mais aussi en France. Et ce néo-marxisme en fait souhaite reprendre l'ensemble des catégories plutôt que d'opposer les structures à l'événement. Et puis après, vous évoquez... Je pense que du coup, c'était l'ambition sartrienne, hein, c'est ça que je veux dire. Et que cette ambition sartrienne, quand elle a été refoulée et par Lévi-Strauss et par Michel Foucault, elle a refoulé cette possibilité de faire tenir la perception de l'événement et la conception par les structures. Et en cela, vous parlez d'événements, Sophie Vaniche. C'est vrai qu'on parle d'événements de la Révolution française et pour simplifier, on ne peut pas faire autrement que de parler de la Révolution française. Mais cette révolution est extrêmement complexe entre le début d'une Révolution française qui se passe aux États généraux. On évoque la Terreur qui est plus tardive. Et dans cette lecture-là, à chaque moment, il y a en plus différents mouvements. C'est en cela que la mémoire de la Révolution ne peut pas exister. Il ne peut y avoir que des mémoires et le kaléidoscope se joue sous tous ces éléments-là. C'est pas simplement un kaléidoscope de mémoire postérieure à la Révolution, c'est déjà le moment de la Révolution est un kaléidoscope. Anne de Matan, il est possible de revoir un peu ce qu'était cette Révolution à travers toutes ces mémoires dans votre démarche. L'ambition, en fait, mémoire de la Révolution, c'est plus de poser un constat, parce qu'il n'est pas possible, en fait, de faire un tableau de la Révolution en soi, tellement elle est complexe. Disons que ce n'était pas l'objet de traiter la Révolution française en tant que telle. C'était de s'intéresser à sa mémoire et à la façon dont elle peut laisser des traces en tant que souvenir, mais dont aussi elle peut être réactivée comme modèle, comme contre-modèle. Donc, si vous voulez, le contenu Révolution française était un peu secondaire, en quelque sorte, par rapport à la manière dont on le regarde, ce contenu. C'est ça, c'est-à-dire que chaque facette du kaléidoscope peut être utilisée pour une mémoire postérieure selon les besoins du moment. Voilà, c'est cela, tout à fait. La Révolution est un couteau suisse. Du moment aussi. C'est-à-dire que, effectivement, la question de l'impossible mémoire unifiée, c'est le fait que la mémoire est elle-même l'objet de luttes qui sont elles-mêmes à décrire. Et du coup, je ne crois pas qu'on ait la possibilité d'avoir un petit point d'accord finalement sur qu'est-ce que c'est que la Révolution, ce qui a été un peu l'ouverture de cette deuxième séquence. Il n'y a pas d'accord du tout sur ce qu'est la Révolution, aujourd'hui moins que jamais. Et c'est ça qui est intéressant également. Oui, Anne de Matan. C'est surtout que la Révolution française et son évocation servent des combats politiques et sociaux contemporains. Et elle l'a toujours fait au XIXe siècle, au XXe siècle et aujourd'hui encore. Et nous allons sur... terminer, contrairement à ce que nous avait dit François Furet. Voilà, c'est ça. La Révolution continue à 9h52. C'est une révolution systématique et quotidienne dans le cours de l'histoire, mais une révolution d'enthousiasme et de plaisir, car nous retrouvons Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes un peu en écho dans votre journal de l'histoire à cette notion de révolution, parce que vous évoquez les blocages des grandes capitales avec le mouvement Extinction Rébellion. Donc vous évoquez l'histoire d'un autre mouvement de jeunesse, les enfants de la Shoah, et l'engagement militant dans les années 1960 quand la jeunesse se fait entendre. Et tout ça à travers un documentaire, c'est sur Public Sénat, très belle chaîne. Nous vengerons nos pères de Florence Josua, donc c'est le titre de ce documentaire, retrace la jeunesse des enfants de rescapés de la Shoah qui se sont engagés dans les mouvements d'extrême gauche des années 60. Nés parmi les survivants et leurs fantômes, que faire de cet héritage dans la France des Trente Glorieuses? Hélène Fettlander ouvre le film en évoquant la colère qui les habite et le rêve d'une réparation aux atrocités infligées à son père. Je rêvais qu'il y avait un officier nazi en uniforme, très hollywoodien, très beau mec, qui montait la rue Levert. À ce moment-là, moi, je sortais de notre immeuble. Il était sur le trottoir d'en face. Et donc, je traversais, je l'attrapais par les épaules, je lui éclatais la tête contre le mur. Il y avait du sang partout. Et je me réveillais et j'étais hyper contente et je me disais, je l'ai vengé. C'est une histoire de famille qui en parlait ou qui n'en parlait pas, mais toutes ont recommencé à vivre et ont élevé des enfants aux aguets face au retour du fascisme. Les témoins de Florence Josua se connaissent depuis l'enfance, biberonnés dans les camps du comité central de l'enfance, où ils trouvent une joyeuse vie collective estivale, mais aussi la politique, au vert et au son des chants des révoltes des quatre coins du monde socialiste. Ils y apprennent à espérer et à croire en leur pouvoir de transformation du monde, malgré le souvenir de la destruction. C'est l'histoire d'une génération qui avait érigé en rockstar les résistants de l'affiche rouge, symbole de la part des étrangers dans la résistance à l'occupation nazie. C'est avant 68 tout ça. Donc on est dans une conjoncture où il est normal de militer, où il est normal de s'engager et surtout il y a une perspective et il y a un idéal. Et la perspective c'est